Ce panneau met fin aux interdictions précédemment signalées et concernant les véhicules en mouvement. Donc il ne concerne pas l'arrêt ou le stationnement. Effectivement, il peut mettre fin à une interdiction de dépasser ou à une limitation de vitesse. Réponse A et C.